Et grosse dédicace au cinéaste Gino. Et merci bien. Loin de ma ville, je fais le vide, j'ouvre les vides, y'a de la fumée qui sort comme dans Hawaii. Sans le shit, le gendarme nous l'a dit, je suis cramé gros, moi faut que je bouge vers Hawaii. Je gamberge, ma mâchoire se serre, j'ai une voix, un talent, je m'en sers. J'écoute trop la zik que ça me rend sourd, mon cœur bat fort quand je rentre en concert. Dis-moi le si jamais tu m'aimes plus, si j'ai changé ou si je me souviens plus de ce que t'as fait pour moi, même si c'est pour toi. Désolé si je t'ai laissé invu, mais bon ma fille des fois elle part en vrille. Grosse galère, j'ai prié, écoute ta daronne au lieu de la faire crier. Je suis celle qui étoile, tu ne vois pas briller. Putain la honte, Rolex jamais à l'heure, tellement je m'en fous de l'argent et de sa valeur. Je suis rappeur, je voulais être footballeur, je traîne avec travailleurs, jobber et voleur. Toi tu te lèves de bonheur car il faut des dollars, tant qu'il y a des juges j'aurai toujours des dollars. Je douleur pas moi, un bande de connards, dans chaque crime y'a toujours un donneur. Ah je serre les dents, je suis à l'eau, je marche comme un padré avec le peignoir. Chaussette sur l'alarme, je me fais un gros aquarium dans la baignoire. Je vis comme en 2009, ils servent tous, ils s'affolent. Les képis rentrent dans la tête, capuche, je cavale. Je vais derrière le bloc, j'ai frite sur le choc. J'entends qui ça, ils veulent en mettre en cabane. Tout dans la caboche, je manie pas le stylo. Je m'invente pas un style dans ce milieu hostile. Pour brancher des gadis, ça sort des grosses bouteilles. Ça fait même le moonwalk comme Jackson dans Thriller. Le malheur me fait des clés de bras. Même quand ça va pas, je te t'inquiète pas. Soucis, soucis, ça saute les repas. Je garde le carré la force comme le poteau sous bras. Je traîne à côté des potes et des scooters volés. Avec des beaux gosses et des mecs trollés. T'as vu la crise en ouvrant tes volets. T'as peut-être dormi chez le mec qui t'a cambriolé. Chant que ça a baissé depuis l'histoire du brunic. Jules c'est pas un mec bien que ça polémique. Mick, oh les mains, oh les manes, c'est pas trop poli. Là je suis avec la colis posée dans le bolide. Folie, folie, faut de la money, money. La tête ailleurs, je vois ma jolie, jolie, jolie. Solo, solo, c'est rien, faut rester solide. Molo, molo, me cherche pas si je m'alcoolise. Police, police, me fais le signe à la ronde. Saoulé, saoulé, les petits veulent aller à la junk. Karaté, karaté, porte-monnaie du junkie. Pour faire le trajet parce qu'il n'y a pas win à la banque. Chauffeur de banquette, BDH est trop duc. Faites comme si de rien n'était, mais vous êtes cramé. Allez là où y'a du buzz, vous faites camé comme lessive quand tu passes à pied. Comme quand je vais voir une mise, c'est que je suis mal sapé. J'fais mes bails, j'fais mes bails et je lui dis on s'appelle. Toi tu changes de test, je trouve pas ça bien. Ça fait de la peine mais c'est R, faut s'y faire frère. Ils veulent m'enterrer, moi je sers. Je fais semblant, j'en ai marre de faire genre, genre. Et niquer ma vomère, mère. T'aurais de platine sur la casquette. Langue de pute collée à ma basket. Cross rafale de l'avenir dans la passe-tête. Joule tamponné sur la plaquette. J'ai passé tout l'hiver chez moi, ils m'ont fait la misère. On faisait R, les flics venaient nous contrôler à des heures bizarres. À Saint-Jean du désert où les commerces, ça devrait leur faire de plus en plus la désert. C'est fils de pour qui part. Tu sois dans mon clip ou pas que tu fasses ou pas les airs. Je m'en tape, mon contre-tape. Si t'es pas content, tu pars. J'ai quitté tout perdre, j'ai très bien que je peux pas tout faire. J'ai des atouts phares, j'ai pas tiré toutes mes cartes. Je veux la fille modèle, pas celle de Tony Montana. Et pour la voir, ça grimpe près des montagnes. Ça veut juste être en bon terme. Des mots d'amour devant la fontaine. Je garde ma vie dans le Viano. Pas changé depuis l'époque Giuliano. Je suis là pour le match, je fais le taf. Je suis là dans tech avec la crapulerie Adriano. Je vois plus, je suis avec devant le piano. Gilbert Montagné. Trop de vices, même les paillots. Ça s'est trahi, ça s'était dit ami. Mais ça aurait bougé pour toi même, c'était la nuit. Mais crois pas gros, t'aurais touché la mif. Ils seraient venus te niquer même à Miami. Ils m'en veulent regarder les. Elles sont mes bandes d'action pas la télé. S'ils viennent vous interroger dans le quartier, faites leur TB s'il vous plaît, snappez-les. S'ils sont chelous, BD s'appeler. Moi du temps, je fais mon taf ambitieux comme le roi appelé. Ça fait 4 ans que tu l'as, je viens te rappeler. Je m'en ai supplé en bas du bloc, je me suis fait interpeller. Ils ont crié, gain télé avec leur tête d'intello. Pendant que moi je comptais sur les petits Dembélé pour qu'ils représentent le 1-3-5 à la télé. On va les marteler jusqu'à Sarcelles. Jusqu'à Sarcelles. On va les marteler jusqu'à Sarcelles. Ok. Jusqu'à Sarcelles. Moi je me sens bien dans mes ASICS. J'ai pas fait la pute, j'ai pas trahi. Tu me verras dans les restos à gris métallique. Avec une tête bizarre sur la mafia d'Italie. Le T-Max fait du bruit, le quartier est vide. La ville est morte, de poteaux qui changent. Alors ça fait des tris. Alors ça fait des tris. Pour se déplacer dans le secteur, ça fait des trois. Des lits de fuite, ça prend des rues étroites. Secrètement, pendant qu'ils enquêtent et que le civil passe dans le check en survêtement. Ça conduit sans permis, sans entraînement. Tout le dôme, tout la Bercy. Un grand événement. Cherche pas l'ovni à la place, il sort pas trop, il reste chez lui. Ils ont beau me prendre de haut, ils m'arriveront pas à la cheville. Cherche pas l'ovni à la place, il sort pas trop, il reste chez lui. Ils ont beau me prendre de haut, ils m'arriveront pas à la cheville. Joule, joule, la crise au check, mec. C'est dans la pointe en direct. Merci, le on est chaud, l'équipe ou pas? Eh oui. Ok. Ok, ok. Un 3-5, ok. Cross rafale en croix du Yamaha. Que ça cherchait des problèmes là où y'en a pas. Pour un rien, ça t'envoie en l'air. Pour un rien, ça t'abat. Ra, ra, ra, ra. Cross rafale en croix du Yamaha. Que ça cherchait des problèmes là où y'en a pas. Pour un rien, ça t'envoie en l'air. Pour un rien, ça t'abat. Ra, ra, ra. Je viens à l'arracher. fâché, ah je suis fâché. Je reste avec des mecs fichus, proches et fichés. Qui vit fiché, t'as pigé. On a craché, on a naché. Les jaloux, ces fils d'eux, ils veulent toujours tout te gâcher. Arrête de me prendre pour un skank, tu vas m'obliger. Tu peines de chiche, elle va te coucher. Mes paroles vont te toucher. Tu parles de mal, veux t'en pas de bouche. Dis ce que tu veux, ça me touche pas. Quand j'ai ma team, ça bouge pas, je me couche tard. Je freestyle en visio, pas tôt, je tarde. Ma tête en poster, mais dans l'armoire, toujours pas de costard. Pas gangster, m'ont levé le permis, je fumais un gros d'air. M'ont mis les menottes, le poteau calibré dans le monster. Ils ont les gros surveillent ta système. Si c'était moi qui commence à chercher des failles dans le système. Pas d'assistance, j'ai pas besoin de toi, donc prends tes distances. Ça se débrouille comme ça, peu, n'oublie pas que ça vend des distances. Pas de distraction, non j'oublie pas cette action. J'te perds, j'ai plus de flex, j'fais pas plus de distraction. En fumette, j'ai fait des crocs dans le tacos. J'vois tout ce qu'il faut ici, pas besoin de regarder la cause. J'ai vu le petit à la grade devant le feu rouge de la poste. Mes pieds dans les ASICS, mon torse dans le Lacoste. C'est pour mes chaînes de la casse, qu'à couler devant la caisse. Ça y est, ça se fait sa place, on fait divers dans la presse. On a l'accent, la crapule reste des personnes d'Axis. C'est facile d'accès, c'est plein de buissons, charbon, ça veut le taxi. Grosse rafale, on croit tu y aimes. Que ça cherchait les problèmes là où y'en a pas. Pour un rat, ça t'envoie en l'air, pour un rien, ça t'a pas. Ra, ra, ra, ra. Grosse rafale, on croit tu y aimes. Que ça cherchait les problèmes là où y'en a pas. Pour un rien, ça t'envoie en l'air, pour un rien, ça t'a pas. Ra, ra, ra, ra. Tu m'as trahi, mais t'es pas ma première cible. T'as tourné ta veste, et me dis pas qu'elle est réversible. Y'a plus tête à tête, et même non, c'est une tête à claque. Le mec reviendra armé pour te faire ta fête, et sera ta faute. À force de te prendre pour Van Damme, tu finis par faire un fantôme ou par te cacher dans ton bled. Fais gaffe à ta maman, elle se mine. Surtout quand elle sait que toute la semaine t'es sur ses SMI. À faire des roues arrière de fou dans l'arrondissement. Dans l'exemple aux jeunes, tu veux passer des fous. Après, ils vont dire que c'est à cause de toi que les petits maintenant ils grandissent mal. De quoi ils se mêlent quand ils rentrent dans le quartier, dis leur faire doucement. Il est doux ce mec. Je sais pas aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils me font tous ces macs. Sur PP, tu vas voir lui qui se manque. Dans mes clips, tu peux voir les gens chez moi ou les gens de Bellon. Et quand y'a Planète Rap, tu revois les BDH. Hein? Ça va, tu m'as craché, c'est bon. Et sur grand-père, que des aisselles, tu sens le candélabre. Je vais vite, je suis carré. Des fois, je suis taré. Des fois, je suis marin. Je fais le signe sur le jarret. Sur le côté passager, s'il te plaît, laisse pas ta mouille. Oh yeah, j'accélère, n'est pas la trouille, je mitraille. Sputin gang, de mes couilles, je me rembraille. J'embraye, fratello, y'a pas d'embrouille. Je suis le king, trop de talent. T'as fauté, faut que t'allonges. Trop de travail, tu travailles, faut que t'allèges, mais bon, faut que tu te loges. Aujourd'hui, t'es bien, mais bon, ça dure qu'un temps. Ni je sais que t'as les crocs, mais bon, t'es quinte. Je fais un des mecs bizarres qui sort des feintes. J'ai fumé, je suis 22. Déjà, ils m'ont fait les empreintes. Je suis gentil, mais si touche à la famille, je t'en quinte. Non, y'avait pas un pour faire deux. Les gros bâtards qui me font la biche, je sais pas ce que je vais faire deux. Ça fait rah. Grosse rafale, on croit du Yama. Quand ça cherche les problèmes là où y'en a pas. Pour un rien, ça t'envoie en l'air, pour un rien, ça t'a pas. Rah, rah, rah, rah. Grosse rafale, on croit du Yama. Quand ça cherche les problèmes là où y'en a pas. Pour un rien, ça t'envoie en l'air, pour un rien, ça t'a pas. Rah, rah, rah, rah. Grosse rafale, on croit du Yama. Chercher les problèmes là où y'en a pas. Pour rien ça t'embête, pour rien ça t'abat. Ra, ra, ra, ra. Joule, c'est l'avenir. Grosse dédicace, grosse dédicace aussi, Nas Dune. Et merci bien la zone. Hein. Il a fait une dinguerie cette nuit. Il a fait une dinguerie cette nuit. C'est chaud pour lui, là. C'est chaud pour lui, la femme. Toujours avant, c'est écrit celui-là. Je vois de nouvelles têtes, c'est qui celui-là. Arrête au cinéma, parce que t'accélères frérot, vas-y t'arrêtes pas. Hypocrite, j'attends une odeur de faux. Fume des soies, tu chantes dans le dos. T'es jamais là quand il faut. Quand faux. Oh là que j'écoute très fou. Jaloux, tiens-moi le bout. J'crois, il manque des sous. Qui avait le trou? Vas-y t'es là, tu fais tes siennes. Vas-y tes coffres, mets la tienne. Qu'est-ce qu'on s'en fout ta chaîne? En plus toi tu crois qu'elle est saine. J'ai TB sur la scène, mais juste avant j'suis pas zen. J'me mets pas de coco dans zen. Toi tes narines tu saignes. Chez moi les chiriki. Mais sa plus belle robe, elle commence quand elle veut et elle finit le taf à l'homme. Elle lui ramène l'enveloppe, lui il fait ses comptes. Il s'en occupe de plein, il a la police sur ses côtes. Ce soir il a fait une faute, il a baissé sa capote. Il veut se la faire avorter, un type va la faire à d'autres. Il sait plus quoi faire, il se sortir d'affaire. Il sert, c'est pas un jeu, il s'est pris le revers. Il a compris que ça allait vite, ça fallait qu'il évite. Il voulait faire du shit, il se retrouve avec un type. La folie, elle a porté plainte contre lui. Elle a porté plainte contre lui. Il a fait une dinguerie cette nuit. Il a fait une dinguerie cette nuit. C'est chaud pour lui, la famille. C'est chaud pour lui, la famille. Elle a parlé la folie. Elle a parlé la folie. Elle a porté plainte contre lui. Elle a porté plainte contre lui. Il a fait une dinguerie cette nuit. Il a fait une dinguerie cette nuit. C'est chaud pour lui, la famille. C'est chaud pour lui, la famille. Et merci.